soccorso. La croche oreille. Alors salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, l'émission consacrée aux arts sonores et aux musiques exceptionnelles parce que inclassables. Pour ce dimanche de congé pascal transformé par la force des choses en congé viral, je vous propose ce soir une incursion dans l'univers musical du compositeur, interprète, mycologue et artiste indiscipliné John Cage. Une incursion toute modeste au travers une série d'œuvres réunies sous l'intitulé Sonates et interludes pour piano préparés. D'abord, John Cage, il est né à Los Angeles en 1912. Il est issu d'une famille d'intellectuels. Il rêve très tôt de devenir écrivain, mais il va choisir la musique. Il étudie la composition avec Henry Cowell et Arnold Schoenberg au cours des années 30. Il va écrire un manifeste important en 1937 intitulé « Le futur de la musique ». Un futur de la musique qu'il conçoit à partir d'une réflexion sur le bruit et le silence. Cage va s'installer à New York en 1942. On dit qu'il est hébergé par Peggy Guggenheim et Max Ernst, deux personnalités importantes du milieu new-yorkais. Et c'est là qu'il va rencontrer Marcel Duchamp et Merce Cunningham, deux grandes figures de l'art du 20e siècle. Faut dire que l'aventure artistique de John Cage sera déterminante pour le monde de la musique et des arts en général. Il s'initie à la philosophie zen et aux jeux de hasard qui influenceront grandement sa manière de composer de la musique. Il réinvente le piano préparé, inspiré par Cowell, puise le son à même les bruits environnants, fait intervenir des variables aléatoires dans le processus de création, contribue à définir la pratique artistique indisciplinée, une expression qui lui va à merveille. L'influence de Cage est encore très vive dans le monde des arts actuels. Les sonates et interludes pour piano préparés ont été composées par Cage entre 1946 et 1948. Ce qu'on entend par piano préparé est somme toute assez simple à comprendre. Cage cherche à créer des effets de percussion à même le piano, des effets que lui inspire, dit-on, l'esthétique sonore de l'Inde ancienne. Il va donc introduire sur et entre les cordes du piano des objets hétéroclites, des boulons, des gommes à effacer, des pièces de monnaie qui vont transformer les attributs sonores du piano. L'œuvre qu'on va entendre ce soir compte 16 sonates et 4 interludes, dont on entendra la presque totalité. Il s'agit d'une œuvre des plus marquantes de John Cage et d'autant plus intéressante qu'elle exprime, au dire de Cage, une gamme d'émotions empruntées à la culture hindoue. Les émotions blanches, associées à l'héroïsme, à l'érotisme, au merveilleux et à la joie, et les émotions noires, associées à la douleur, à la peur et au dégoût, des émotions qui pavent notre quotidien de manière particulière depuis quelques semaines. On écoute donc ensemble les sonates et interludes de John Cage. Elles vous sont présentées dans le désordre et interprétées ce soir par les pianistes Kate Boyd, Joshua Peirce, Nora Scuta, Maro Ajemian, Herbert Hanks et Giancarlo Cadini. Alors, on écoute ça. Thank you.

Thank you.

Alors, vous êtes sur les ondes de CKRL, le 89.1, et c'est ce qui complète la première partie de l'accroche-oreille. Je vous reviens après un bref battement promotionnel. CKRL. L'accroche-oreille. Alors, salut tout le monde, c'est l'accroche-oreille qui se poursuit, seconde demi-heure, deuxième volet sonore autour de John Cage. Je vous rappelle que vous trouverez toutes les références aux pièces entendues ce soir ainsi que les émissions en balado sur le site l'accroche-oreille. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Seconde partie de l'émission, on poursuit l'écoute des sonates et interludes pour piano préparées du compositeur et artiste John Cage. Élève de Schoenberg, Cage s'est illustré comme compositeur de musique expérimentale et d'art sonore, notamment. Sa réflexion critique sur la musique de son époque a fait école et ses œuvres sont des références qui sont encore très prisées par de nombreux créateurs contemporains. Le cycle des sonates et interludes pour piano préparés regroupe une vingtaine de pièces dont la nature sonore a été, dit-on, influencée par les cultures orientales. On raconte que l'œuvre tente d'exprimer les 9 émotions permanentes de la tradition esthétique indienne. Je vous les rappelle, l'héroïsme, l'érotisme, le merveilleux, la joie, la douleur, la peur, la colère, l'odieux, et leur tendance commune vers la tranquillité. Somme toute, un programme important que nous propose Cage au début des années 40, un programme à la hauteur de ses aspirations critiques et esthétiques. Alors on écoute ensemble la suite dans un relatif désordre des sonates et interludes pour piano préparé de John Cage. Thank you. Thank you. Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir. Vous pourrez retrouver de l'information sur les pièces entendues sur le site La Croche-Oreille ainsi que toutes les émissions disponibles en balado pour écoute immédiate ou en différé. Quant à moi, je serai de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore. On termine ça avec John Cage. Ici Gaëtan Gosselin qui vous salue. CKRL 89.1.